mes yeux se ferment, chaque frisson m'enchaîne, ma fume. Riders Kill me tient dans sa voix, sa chaleur grave me consume et me ploie. Nos deux murmures serrent la nuit, chaque désir devient un cri. Whisper slowly, call my name through the night. T'es même en las, je perds la route. Chaque silence devient ma déroute. Ton souffle fort pénètre mes murs. Chaque mot gravé, une brûlure. Rider's Guild s'impose dans l'écho. Savoir que mon noir sous le fardeau. Nos murmures s'enchaînent, s'égarent. Chaque passion devient blafard. S'embrasse, chaque battement consumé en laisse. Sous la basse, nos souffles s'élèvent. Chaque désir devient une trêve. Touch the darkness, feel the flame. Whisper slowly. Nos voix s'élancent dans le secret. Chaque mot brûle, interdit, muet. Je sens ta force, je plie encore. Chaque note franchit le décor. Rider's Guild m'attache dans la nuit. Sa voix rauque me tient à l'infini. Nos murmures vibrent dans l'air. Chaque désir éclate en lumière. Frappe nos corps s'élancent. Chaque vibracheur devient rugissance. Sous les néons, la fièvre éclate. Ride ce qui règne brutal, opaque. Touch the darkness, feel the flame. Whisper slowly. Chaud me perd plus fort. Rider's Guild.